Ne t'irrite pas à cause des méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal, car ils se fanent aussi vite que l'herbe, comme la verdure qui se dessèche au signal. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur en retour. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son apogée là-bas. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui sans t'irriter. Cesse de t'enflammer contre celui qui réussit. Ne te laisse pas entraîner à faire le mal délibéré. Les humbles posséderont la terre, ils jouiront d'une paix abondante. Le pas de l'homme est affermi par l'Éternel, il prend plaisir à sa route confiante. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et jamais je n'ai vu le juste abandonné au chemin. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur force au temps de la détresse. L'Éternel